Yeah, écoute ça. Well, l'original Mr. Fan. Combat la colonisation et l'oppression, sans fusil ni mitraillette, mais avec la culture et des mots honnêtes. Comédien du pouvoir, destructeur, usurpateur, boum. Voici le concentré de toute la misère humaine. Tu auras beau parler, tu ne pourras plus nous duper. Il ne peut y avoir de paix sans justice ni d'égalité des droits. Oh non non non. Voici le concentré de toute la misère humaine. Juste un geste pour plus de justice, sans gêne et que loin en justice. Il faut réfléchir à ce que la paix signifie vraiment. Quand on aura l'égalité des droits et la justice, alors on aura la paix dans le monde. Chaque combat pour la justice concerne l'humanité entière. Car les petits ruisseaux font de grandes rivières. Malheureusement la justice se cache. Pas d'égalité alors le peuple se fâche. Face à une injustice qui agace et qui froisse, prends garde au face à face et encore plus de casse. Babylone, Babylone. Voici le concentré de toute la misère humaine. Tu auras beau parler, tu ne pourras plus nous duper. Il ne peut y avoir de paix sans justice ni d'égalité des droits. Oh non non non. Voici le concentré de toute la misère humaine. Juste un geste pour plus de justice, sans gêne et plus loin en justice. Les hommes naissent, demeurent libres et égaux en droit. Mais je ne trouve pas cet endroit, car partout c'est froid. J'écris pour un lendemain meilleur, sans peine ni douleur, plein de couleurs, pour faire face aux désillusions de ce monde moderne, moderne, moderne, moderne. Fucking monde colonial, d'oppression mentale. Mon cœur est monde, demeure incapable de désespoir. Fucking monde colonial, d'oppression. À travers des générations. Yes, Jah. Oh, voici le concentré de toute la misère humaine. Tu auras beau parler, tu ne pourras plus nous duper. Et que light and justice. Et que light and justice. Yeah, man. Yeah.